spectacle. Vous êtes dans la zone 89.1. Le blanc d'aujourd'hui, assemblage requis. Marie-Laurence Audet sera avec nous pour sa collecte de loisirs bien plus que jeu, et Stéphanie explorera la discothèque de Sifu dans le segment de poste d'écoute. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bienvenue à Assemblage requis. En ce jeudi 19 mars 2015, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. Allô. Ça va? Tellement. Ouais, ouais. Hey, je reviens du super spectacle de Artist of the Year. Ça vient de finir? Ça vient de finir il y a 6 heures à peine. Mettons dans le dôme, c'est fou. Et ça continue ce soir avec Qualité Montagne et Millimétrique. On va en reparler plus tard, mais... Ça devait être tellement bon. Ah, c'était écœurant. Ils ont fait toutes les chansons que j'adore de Artist of the Year. Celle qui dit « Oh yeah, oh yeah ». Celle qui dit « Alright, alright ». Celle qui dit « Oh yeah, alright ». Ils étaient tous là. Oh, ça a l'air bon. C'était vraiment... Je pense qu'on compte plus sur les beats, hein? Je pense que oui. Je pense que oui. J'ai reçu l'entrevue hier au Palmarès C'est Fou. Quel gaillard sympathique. C'était vraiment cool. L'entrevue sur le site de C'est Fou, cfou.ca, déjà. Intéressant. Ça intéresse. Bref, c'est le Dôme C'est Fou toute la semaine. Nous, on est là pour animer Assemblage requis en direct de juste à côté du Dôme, finalement. Hein, on est dedans. On est dedans. On se le cachera pas, on est dedans. À quelques mètres d'être dedans, mais on est dedans, finalement. C'est par association, c'est ça que ça veut dire. C'est ça. Donc, aujourd'hui, à l'émission, Stéphanie Paradis, à 8h, Marie-Laurence Audet, mm-hmm. et la chronique Le loisir bien plus qu'un jeu, où on parle toujours de divertissement et de choses qui ne sont pas scolaires ou du travail. Tu sais, c'est du travail, mais c'est pas payé, c'est bénévolat, des fois. Ça peut être n'importe quoi. Idéalement. Ensuite, à 9h, tu vas nous faire le poste d'écoute. Bien sûr. C'est quoi ça? Le poste d'écoute, moi, là... Je fouille dans les nouveaux arrivages de C'est Fou et je vous fais entendre ce que j'ai trouvé de meilleur cette semaine. Oh! C'est comme les matières les moins lourdes qui montent à la surface, c'est ça? En science? Non. Je dis n'importe quoi. Je dis absolument n'importe quoi. Donc, le poste d'écoute à 9h. Autour de ça, les instructions d'assemblage et ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Aujourd'hui, les chroniques maison. Ça va être bon! Pas pire émission, pas d'autre, ça. Il nous restait une nouvelle entrée à entendre. Hier, on avait commencé à en entendre pas mal. Il y en a 9 en tout, on a écouté la plupart. On n'a pas encore entendu Lita. Voici La Mélancolie nous sort du nez pour bien commencer la journée. Ça, c'est fou. Vraiment du sein. vieux qui fait du bruit. On saura jamais, pis c'est pas grave. Les saisons font plus pousser de feuilles. Les saisons font plus pousser de feuilles. L'automne goûte la bière, pis ça j'comprends. C'est impossible finir sa vie toute seule quand t'as les hormones en plein déménagement. Avec l'ostidrogelève. Pendant que leurs teintes font un sourire de plomb, moi je reste heureux avec mon 104 de fièvre. Personne m'appelle par mon nom. On est tellement bien dans son fond de poubelle. La boîte sur le corps, ben des bonnes élections. C'est ça une mélancolie dans un gros show de poêle. C'est encore vrai que t'es en train de fondre. Le sang dans ta barbe pis ton rire forcé. Il est peut-être temps que ça se fasse tomber. Plutôt que de ramasser ton corps, mon plancher. Ma corde à linge est pleine de visage. Ça coule sous mon gazon. Pourtant c'est juste une image. Je fais du pour prendre des vacances à la plage. Pour que le sel enlève tout de mon maquillage. Finir sa vie toute seule, sauf sur une corde à linge après une plaque d'ailleurs. On dit que t'es en plein fond, tu redescends vraiment du sein. Quand tu fais partie de mon monde, jamais je vais envie ta face. La mélancolie nous sort du nez par l'ita avec, on dirait, au centre, un featuring des Denis Drolet, mais c'est peut-être pas vraiment ça. On dirait que ça sonne un peu comme ça. Vous êtes ensemble à jouer qui? Maintenant, on va s'acheter des gadgets avec notre argent, hein? Dans 5 semaines, ça ne devrait pas être là. Ou avec l'argent des autres, là. OK, ouais, ouais, du crédit, celle des banques puis des caisses. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On a la chronique des gadgets ridicules à se procurer sur Internet. On commence avec une façon, tu sais, quand tu marches dans la rue et tu veux savoir où tu t'en vas, il n'y a pas de lumière, c'est peut-être dans la forêt, dans une ruelle obscure. C'est le soir, j'imagine. C'est le soir. Bon point, c'est le soir. Et t'as de la misère à voir où tu t'en vas. Et en plus, t'as de la misère à voir où tu vas, où tu marches, parce que peut-être que tu pourrais plus des seringues. T'es dans le ghetto. Des quoi? Dans des seringues, t'es dans le ghetto. Là. OK, OK, ouais. On dirait. Parce que j'essaie de trouver une raison pour laquelle t'aurais besoin de cette lampe de poche. Ben, des trous de boîte. Des trous de boîte. Juste ça, c'est suffisant. Avec deux jets de lumière. Ah, oh, je pensais que c'était deux jets de boîte. Deux jets de boîte, non, non, non. Hey, ça serait-tu insultant si les trous de boîte nous lançaient de la boîte en plus d'être hey, là? Hey, si y avait des petits singes dedans, genre lanceur de boîte, là, quelque chose. Là. Mais ça serait cute, par exemple. Non. Des petits singes, c'est cute. Non. OK. Donc, bref, c'est comme une laisse à chien. Si on veut, c'est un truc à poignée que tu aurais dans ta main. C'est vrai, c'est vrai. Ça ressemble à ça. Et tu as deux jets de lumière. Donc, un qui va pointer vers l'avant, donc vers où tu t'en vas, et un qui pointe vers le bas pour voir où tu marches. Ça pourrait justement aider peut-être pour un chien ou peut-être pour tes pieds pour pas avoir à faire à marcher sur un tas de ton chien. Sur un tas de chien. Un tas de chien. Un tas de chien. Ou un tas de singe. C'est comme tu veux. Ça dépend où tu te situes, là. Donc, si t'as toujours de la difficulté à te promener avec ça, il y a quatre... ben, sans ça, en fait, t'as besoin de ça. La lumière qui pointe vers l'avant utilise des LED blanches de 5 mm. Il y en a quatre et elles sont ultra puissantes pour vous éclairer le chemin. Et celles qui pointent vers le bas, c'est deux lumières LED blanches qui font un grand angle. Des white beams. Un peu comme si ta voiture avec le mode beam, les gros jets de lumière. Fait que là, t'aveugles les voitures avec ça, là. Ben, t'es supposé pointer vers devant toi sur le trottoir, t'es pas supposé pointer vers les voitures. Mais ouais, mais s'il y a une courbe. Oui, c'est vrai, faut faire attention. C'est sûr, s'il y a une courbe. Pas que tu pointes ça, c'est les voitures. Faut que tu t'adaptes, Steph, faut que tu t'adaptes. Tu peux pas juste marcher devant toi sans rien checker, là. Je trouve ça un peu intense comme lumière. C'est vrai que c'est intense. Donc, il y a une switch, un bouton à trois positions qui permet de choisir seulement le jet vers l'avant, seulement le jet vers le bas ou les deux en même temps. Et ça s'appelle le Night Lighter. Ça produit 20 lumens de lumière. Le corps, l'étui, pas l'étui, mais le boîtier est fait de polymère à grand impact. Donc, qu'on peut fesser dedans, puis il n'y a aucun problème. Un design ergonomique, comme j'ai dit tantôt, ça ressemble à une laisse de chien, donc c'est vraiment fait pour être tenu dans la main. Tu reçois un ensemble de 3 batteries 2A avec ton achat. Et le Night Lighter est disponible dans plusieurs couleurs, à 20$ chez First Street. C'est pas pire, 25$ canadiens pour ça. Si ça fait 20 lumens de lumière, pour ceux que ça intéresse, c'est bien. Ça pourrait être pratique pour quelqu'un. Ça me dit pas grand-chose, honnêtement. Moi non plus. Faudrait je compare avec d'autres choses. C'est ça. Qui me dit le nombre de lumens. Je suis pas encore habitué de compter en lumens. Est-ce qu'on peut convertir en lumens canadiens? Ensuite. Mais ça pourrait être pratique, ça. Moi, je pense c'est en camping. C'est vrai. Quand on va faire pipi la nuit dans le bois, là. Vrai. Tu veux vraiment pas revenir sur tes pas en pilant sur ce que tu viens juste de faire. Voilà. C'est ça, exactement. Ensuite, pour ceux qui aiment tout le temps avoir quelque chose dans leurs mains, tu sais, ceux qui sont stressés, puis ont tout le temps un crayon, quelque chose, puis ils mangent, tu sais. Ouais. Ils mangent ça tout le temps. Donc, c'est un stylo magnétique et un stylet en même temps. Et c'est le rêve de tous ceux qui bougent tout le temps. Donc, c'est un stylo, c'est pas assez pour vous garder occupé entre deux écritures. Pourquoi pas un crayon-stylo qui a une série d'aimants, de bagues d'aimants avec lesquelles on peut jouer sur le crayon. C'est exactement, pardon, l'idée du Polar Pen, un crayon à billes avec 13 aimants rares qui entourent la chambre du crayon. Donc, si on regarde, il y a l'image sur assemblagerequipe.com qui vous montre les petites billes. Ça ressemble à ce qu'on retrouverait dans un coffre à outils ou on dirait des bottes, si on veut. Mais c'est des aimants. Et donc, c'est ça. C'est un stylet qu'on peut utiliser sur un écran capacitif. Et encore, je pense qu'on leur vire de bord. C'est bien ça, on leur vire de bord pour avoir... Ouais, c'est ça. D'un côté, c'est le stylo et de l'autre côté, c'est le stylet. Donc, si on veut, par exemple, jouer avec ça et les faire tourner, peut-être, dans son doigt. Toujours pratique. Ça tourne, ça rebondit, ça flotte autour parce que c'est un aimant qui peut monter et descendre sur le corps du stylo. Ça fait plein de choses, bien spéciales, grâce à la science. C'est plus gossant que d'autres choses, moi. Ouais, mais c'est moins gossant que quelqu'un qui fait clic-clac-clac-clac-clac-clac, c'est allumer puis éteindre son... Je sais pas si ça fait du bruit, ça. Je pense pas que ça fasse du bruit. Peut-être si tu cognes les aimants les unes contre les autres, oui, ça pourrait faire du bruit. En effet. Tu sais jamais. Écoute, tu serais surpris à quel point les gens peuvent trouver des façons de nous taper ses nerfs. Ah, ça, c'est pas faux du tout. Donc, on peut magnétiquement coller ces aimants-là à peu près n'importe où. Donc sur votre moniteur ou d'autres objets de métal, ça rajoute un petit degré de plaisir encore plus. Et c'est recouvert de nickel pour la durabilité. Ça vient en couleur argent ou encore en poudre de fusil. Ça, c'est un genre de noir ou un gris très très foncé. On peut enlever les aimants, les réarranger comme on veut sur le crayon dans différentes configurations. Puis c'est ça. On peut jouer avec la polarité et faire que les choses flottent dans les airs aussi. Oh, les aimants, c'est pas dangereux pour les tablettes, les écrans d'ordinateur, Non. Okay. Je me rappelle pas pourquoi, mais non. Je pense que c'était, et là, je connais absolument rien là-dedans, là, mais c'était les disquettes, principalement les disques durs, qui avaient des problèmes avec les aimants. Les cartes de guichet, ça marche encore, ça? Je sais pas. Bonne question. Faire de recherche, on vous en reparle. Mais c'est une très bonne question, j'avoue que les Mais c'est cartes, bon si ma tablette est safe, parce que des fois... C'est supposé. Parce qu'en fait, on les voit dessiner sur une tablette là-dessus. Ensuite... Ben, il y a un stylet, tu sais. Il y a un stylet, ben c'est bon. Ensuite, c'est une chaufferette assez efficace pour chauffer une pièce au complet, mais ça fonctionne avec une chandelle. Normalement, on pensait pas, ben je te jure, on dirait pas d'habitude qu'une chandelle serait assez efficace pour réchauffer une pièce. En tout cas, pas d'habitude. Mais ici, c'est le Igloo Terracotta Heater qui dit faire exactement ça en utilisant 4 petites chandelles et 2 dômes d'argile. C'est capable de générer assez de chaleur pour réchauffer une pièce qui est de la grandeur d'un bureau moyen jusqu'à 5 heures à la fois. Après ça, on a besoin de nouvelles chandelles, mais les chandelles, à moins que tu les prennes chez Party Light, ça va pas coûter grand-chose. Non. Ça dépend. C'est vraiment pas cher d'habitude, 4 $ pour 100 chandelles chez IKEA. Le titre 4 voilà. Chandelles chez Party Light pour 100 $, mais non, le contraire, non, je blague. Donc, le dôme... Ben, ça dépend lesquels. Ben, c'est ça, je blague pas vraiment tant que mais ça, mais... t'es pas... Ça dépend de ce que t'achètes, là. C'est ça. Oh, ouais. S'ils sont plus... si les grosses chandelles et lampions, ça va coûter plus cher, mais les petites chandelles, le réchaud, c'est pas si cher que ça. C'est pas... c'est ça, un lampion. C'est ça, le lampion, c'est quoi le grand? Un pilier. Ah, pilier, c'est ouais. Ouais, pilier, lampion. T'as jamais magasiné du Portelette? Patate pilier. Mais non, ouais. Mais tu peux avoir des grosses chandelles à 25$. Là, ouais. Fait que, et oui, j'en ai déjà magasiné, donc. C'est ce que je me rappelais pas du tout. Mais oui, je l'ai déjà magasiné. J'ai tout souhaité faire comme si c'était jamais arrivé. Et j'ai pris des lampions parce que c'est moins cher. Donc, c'est ça, le design est en forme de dôme. Steph, je sais pas si ça dit quelque chose, le dôme. Copyright Stephen King. Hashtag le dôme, ouais, c'est ça. Le dôme, c'est fou, ça, c'est hashtag Stephen King aussi. Hein. On n'a pas vraiment inventé ça. Hein. En fait, en même temps, c'est une forme. Fait que je pense pas qu'il a inventé ça non plus. Mais bon. Non, non, mais non. Hey, dorénavant, j'appelle la chaise-galerie le cube, je peux te dire. OK. C'est, parfait, ça t'intéresse. C'est cool. Donc, le design. Faut se mélanger, hein, parce que les cubes, c'est à la vente de l'université. Là. T'as raison, fait que tu dis que. Il faudrait trouver une autre forme pour la chaise-galerie. Le prisme. Parce que c'est pas vraiment un cube, littéralement, je pense, la chaise-galerie. C'est plus fait sur le long, un petit peu. Ben oui, mais un prisme, ça regroupe toutes les formes géométriques. Oui, mais tous les prismes sont pas nécessairement des cubes. Tous les cubes sont des prismes. C'est ça que ça veut dire? Ben oui, mais tant qu'à ça, choisis-en un plus précis. Ouais. Donc. Oui, force-toi, là. Un prisme. Le cône? Le cône, mais c'est pas en forme de cône. Ben c'est pas en forme de carré non plus, c'est pas en forme de cube. T'as raison! Puis le dôme, c'est littéralement le dôme, ça, c'est vrai, par exemple, c'est okay. Un dôme. Si on avait appelé ça une demi-sphère, je trouvais qu'il était un petit peu haute pour être une demi-sphère. Ça peut se faire d'un haut d'œuf, mettons. Ben, je trouve ça a l'air d'un dôme. Ça a l'air assez sphérique. D'un dôme. On lâche le sujet? Non. On est en train de parler d'un dôme. Ben, c'est ça. Ouais, un dôme avec des chandelles pour réchauffer une pièce au complet. Hein? Et c'est donc l'argile, le clé, qui va permettre donc de garder la chaleur générée et de l'envoyer dans la pièce. C'est distribué donc dans la pièce à un rythme qui va permettre un confort certain. Ça va pas réchauffer, comme on disait, une maison complète, mais pour une pièce, ça pourrait être assez pratique. 60$ qui est demandé sur Indiegogo. Donc, c'est en plusieurs finis. Finition. Ouais, donc, lait, puis lait. T'as le lait, t'as affreux. Non, t'en as un qui est plus couleur genre brune terre, un peu, ça. Ouais. Et l'autre qui est comme noir, mais trop shiny, chromé. Ouais, genre. C'est dégueulasse. Ah, le chromé, il y a rien que je déteste plus que le chromé, c'est laid, là. C'est, à mon avis. Ouais, c'est comme noir lustré, là. Ah. C'est pas super beau. Non, quand tu te vois dedans, hein, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça le brossé, tu sais. Hein? Ben oui. Ben oui. J'ai pris 2 bières hier. T'as brossé rare. Brossé rare. Ensuite, quand on parle souvent de loup déguisé en peau de chèvre, c'est ce qu'on dit, de peau de mouton. Peau de mouton. Bois le mouton. C'est quoi dans le compte, là? Je sais pas. Le petit chaperon rouge, là. Le loup se déguise en mouton, là. C'est ça? Hein? Le grand méchant loup. Il déguise pas en mère grand? Il déguise en mère grand. C'est ça? Tu vois, c'est assez loin derrière moi. D'après moi, tu te trompes d'histoire. Faut pas faire confiance pour raconter des histoires, tout ça. Mais bref, si vous voulez vous déguiser en loup pour faire comme le grand méchant loup dans la vie de tous les jours, parce que ça ressemble, en fait, c'est supposé être un genre de manteau de loup, mais pas avec un loup dessus comme cheesy, là. T'es littéralement déguisé ouais, en loup. T'as la t'as tête. T'as un capuchon de loup, là. Un capuchon en tête de loup, là. Et le reste est en poil, là. Donc, c'est ça. Ah, il y a des griffes. Il y a des griffes. C'est le wolf coat qui va vous faire avoir l'air d'un loup. Peut-être que vous allez pouvoir jouer avec des loups. Je sais pas, tu sais. Donc, c'est couvert de fausses fourrures, bien sûr, ultra douce de loup. Et t'as une tête de loup ultra réaliste, détachable, qui vient avec des faux yeux et des dents. J'imagine des fausses dents aussi. Ils précisent pas, mais bon. Et si t'as froid aux pattes, t'as aussi des gants avec des griffes dessus. Jamais y a-t-il eu un manteau aussi à la mode pour visiter votre grand-mère? Dit l'article. Hey, c'est original. C'est original, oui. Donc, le wolf coat, il y a beaucoup, beaucoup de photos sur assemblagerequis.com, mais pour vrai, ça a l'air bizarre, mais c'est un beau déguisement. Hier, les gars de Beat Market étaient déguisés en... il y avait une tête de canard puis une tête de... je me rappelle pas quel autre aliment. J'ai jamais vu encore de band avec une tête de canard. C'est ça original, ça. Les gars d'Artist of the Year étaient déguisés en lapin avec vraiment l'habit au complet de lapin. Là. Il y avait une petite thématique hier. Petite thématique d'animaux, ça. De Pâques, peut-être? Ah, canard, j'avais pas canard, réalisé. Canard, c'est-tu Pâques? On mange du canard à Pâques? Canard, c'est-tu Pâques? Ça, c'est... je trouvais que j'avais l'air fou tantôt. Ensuite, la Revolve, c'est la Cadillac des chaises d'extérieur, Stéphanie. Oh! Oui, oui, les chaises d'extérieur, tu trouves ça plate un peu? Pas en tout. Non, t'aimes ça? Ouais. Ben, je te rajoute encore plus de plaisir là-dedans. C'est pas une chaise typique d'extérieur, c'est la Revolve Chair qui se plie dans son propre sac à emporter. C'est là que les ressemblances se terminent, parce que la Revolve a une base qui peut tourner, donc d'un côté à l'autre, 360 degrés. Et vous n'allez jamais manquer aucun moment de votre partie de sport, par exemple, préférée, ou encore des chansons à répondre de votre oncle au camping, quelque chose du genre. Donc c'est confortable pour s'asseoir autour d'un feu de camp. On pourrait l'utiliser aussi au chalet. Disponible en deux modèles, modèle de luxe avec des haut-parleurs intégrés, comme on le voit dans l'image sur assemblagejockey.com. Un mini ampli qui fonctionne avec deux piles 2A. La Revolve Chair avec haut-parleur coûte 90$ américains, donc ça c'est 115$ canadiens. Si vous n'avez pas besoin de haut-parleur, on y va avec le modèle à 80$, 100$ canadiens chez Revolve, RevolveChair.com. Ils ont évidemment un truc pour mettre son verre et d'autres options. Le classique, mais qui tourne sur elle-même, j'ai jamais vu ça. Bon. Wow. Pour la différence de prix, ça m'interpelle pas tant que ça. Moi non plus, mais je suis pas un grand assoyeur dans une chaise pour l'extérieur. On s'entend, je veux dire, il manque quelque chose d'essentiel là. C'est quoi? Il y a dans la poignée, il y a pas de compartiment où tu peux mettre ta bière puis que ça garde au frais. Ah, t'as raison. Moi j'ai ça sur ma chaise. Si, ouais. Ça, en l'intérieur, en boîte à lunch. Là. Un réfrette, comme on l'appelle. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ensuite, si tu veux créer un petit peu d'ambiance dans ton salon, Steph, t'as goût de la TV, tu trouves que bon, il y a trop de lumière autour. Là, tu fermes la lumière, ben, c'est trop puissant. Ouais, il y a pas de juste milieu. Pas juste milieu. Donc une lumière d'ambiance, c'est la Antech HGTV Bias Light. Regarder votre télé dans le noir, c'est un peu comme regarder directement une ampoule. Ça peut faire mal aux yeux, c'est déplaisant. Ben heureusement, c'est facile à réparer avec un petit peu de lumière derrière l'écran. Et c'est donc ce qu'on vous propose avec Antech HGTV Bias Light. C'est ça en utilisant un adhésif et ça se branche dans le port USB de votre télévision pour évidemment créer de la lumière derrière votre moniteur, votre télévision, pour réduire les douleurs aux yeux et augmenter la clarté et le contraste. Les bandes de lumière LED de 55 pouces, ça c'est 1,40 mètres, ça peut être trimé, coupé à la bonne dimension de votre télé. Et ça va être probablement beaucoup mieux que les méthodes que vous pourriez faire maison pour seulement 22$ sur Amazon. Ça, c'est 22$ canadiens. C'est cool. Vraiment pas pire. Et le fait que ça se branche dans le port USB, ouais. T'as pas de fil nulle part. Pas de fil. Hein? La TV branche dans le mur, le courant passe par la TV. Tu penseras plus jamais. Les lumières LED, ça dure super longtemps. Donc, aucun stress. Et de toute façon, on se sert pas si souvent que ça du port USB de la télé. C'est exact. C'est bien, bien rare. Et souvent, les ports USB ont pas assez de courant pour faire fonctionner bien des affaires. Il y a même des clés, des streaming sticks, là, peut-être pas celle de Google, mais je sais que le modèle Roku en clé USB, il y en a que les télés n'ont pas assez de courant. Pour ça, il faut le brancher dans le mur en plus. Tu branches dans l'USB et dans le mur. Donc, les prises USB sont pas faites pour être d'habitude pour alimenter des gadgets qui demandent beaucoup de courant, t'sais. Alors que sur les lumières LED, c'est sûr que ça passe. Ah, ben c'est clair. Ouais. Ceux qui ont iMac à la maison ou au bureau, peut-être que vous trouvez, comme moi, que les prises USB sont vraiment mal foutues. Ben vraiment? Est-ce que tu peux l'expliquer pour les gens à la maison qui ont des PC? Elles sont derrière le moniteur, à un endroit qui est comme aux trois quarts vers la droite du moniteur. Faut que tu tâtes. Faut que tu tâtes et t'as quatre prises qui sont collées les unes après les autres. Et tout le monde que je connais a de la difficulté, même Danny Janvier qui pour son bureau est à... Si on veut, à air ouvert, dans le sens qu'il n'est pas contre un mur, son bureau. Mm-hmm. Et il y a de la misère, lui aussi, à la brancher. Il faut qu'il se lève et qu'il aille en arrière le brancher. Tellement c'est compliqué. Il y a le iMac Companion qui existe. C'est fait pour avoir l'air le plus possible de quelque chose qui venait avec votre ordinateur. Donc, c'est une prise USB qui est branchée à l'arrière de l'ordinateur. Et le petit gadget vient se clipser en avant de votre iMac, qui est comme une plaque d'aluminium. Et donc, ça s'est fait en acier brossé aussi. Ça a l'air vrai. Et il y a une prise USB dedans. Donc, c'est super simple. C'est en aluminium, anodized d'aluminium. Et c'est un seul port USB 3.0 avec un câble mince comme du papier qui passe en dessous de la plaque d'aluminium. Oh, c'est cool, et ça. Et pas sur les côtés. C'est très impressionnant. Tu vois rien. Il n'y a pas de fil, là. Absolument pas. Ça fonctionne avec tous les iMac depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. Ça s'installe en quelques secondes grâce à un adhésif. Ça coûte 40$ chez Bite My Apple, donc 51$ canadiens. C'est sûr que c'est cher, 50$ pour une prise USB, une rallonge, finalement, d'une prise USB. Ça peut tellement te faciliter la vie. Ah, imagine le nombre d'heures que tu vas sauver à tenter derrière ton ordinateur. Vraiment. Voilà. Tu sais, tu peux laisser ce que tu laisses plugger plus longtemps derrière. Ta souris, ton clavier. Ben, c'est C'est ça. Puis ça, ben, c'est juste pour ce que tu prends et enlèves à tous les jours. Et c'est USB 3.0, donc disque dur externe va être à la même vitesse qu'à l'arrière de l'ordinateur. Bon. Clé USB, n'importe quoi. Voilà pour cette portion de Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, les liens sur assemblagerequis.com. Dans quelques instants, c'est Marie-Laurence Audet et la chronique Le loisir bien plus qu'un jeu à Assemblage Requis. On est ensemble jusqu'à 9h30 sur C'est fou. Aux oreilles. Dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage requis en ce jeudi matin, 19 mars 2015, et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oh oui. On a du plaisir, on a acheté des choses, on a du plaisir au dôme cette semaine. Mm-hmm. Tout ça, c'est des activités comme parascolaires, vraiment, aussi, des activités divertissantes. Et on en parle dans la chronique Le loisir bien plus qu'un jeu. C'est le loisir bien plus qu'un jeu avec Marie-Laurence Audet. Bonjour. Bon matin. Ça va? Oui. Oui, merci d'être avec nous. Oui, ben oui. Tellement. On parle de divertissement, de loisir. Quel est ton sujet d'aujourd'hui, ma chère? C'est effectivement un sujet très divertissant. Je parle des jeux de société. Ah, ben, Colin. Ah! Les jeux de société, Yeti! C'est énorme. Wouhou! J'ai jamais joué à ça, Yeti. Je ne comprends pas comment ça se joue. On va te le montrer. Il y a plein de dés. Tu brosses ça, puis tu fais des points. T'es heureux. Tu fais des suites. C'est malade. Des suites de quoi? Ah, ben là, il faut que tu joues. Des chiffres, puis tout ça. Ah, ah, des chiffres. Oui. Donc. Non, des chiffres et des lettres. Jeu de société, c'est un sujet assez intéressant, tout ça. Oui. On parle de sortes de jeux, de comment jouer ensemble et quel jeu choisir. Plein de choses. En fait, je trouvais intéressant d'avoir une chronique aussi concrète et pratique dans des écrits un peu scientifiques avec c'est ça, des chiffres qui ressortaient. OK, des statistiques. Puis, des statistiques. Oui. Puis les jeux de société, tout le monde sait c'est quoi. On en parle, mais on n'en parle jamais de façon officielle dans des revues ou autres. Mais là, je vous sors des chiffres. Cool. En fait, les jeux de société, ils sont partout présentement. On en voit dans les soirées entre amis, les rassemblements de famille. Ils ont même pris d'assaut différentes librairies. Puis ils ont des pubs puis des cafés qui se spécialisent maintenant. Tu sais, prendre un verre, tu as des jeux de société comme à Montréal, ouais. Le Randolph Pub, et wow. Ici dans des petites librairies ou bibliothèques, peu importe. Puis c'est confirmé, le Québec, il craque pour les jeux de société. Puis on essayait de comprendre pourquoi. En fait, c'est que les Québécois, ils ont toujours été friands de jeux, peu importe les générations. Il y a quelques années, quelques générations, c'était beaucoup les jeux de cartes qui occupaient une place dans les familles, dans les soirées entre amis. Plus récemment, les dernières générations, en fait, beaucoup de notre génération, ça a été les jeux vidéo qui ont pris d'assaut tous nos temps libres. Puis, il y a même eu les jeux télévisés. Mais depuis 5 ans, ils sont de retour en force. Parce qu'ils ont toujours été présents sans être la priorité. Oui. Mais depuis 5 ans, ils ressortent. C'est quand les scientifiques se sont dit pourquoi les gens craquent sur les jeux de société, c'est justement pour le mot « société ». Parce que présentement, les gens y en ont assez d'être assis devant les écrans. Avant, être assis devant un écran, c'était un loisir, c'était chez vous, tu pouvais te permettre parce que tu étais un des seuls à avoir un ordinateur. Mmh. Maintenant, ça représente le travail, tu passes tes journées devant un ordinateur, la télévision. Et à un moment donné, là, tu veux te retrouver avec des humains, tu veux te retrouver avec des gens, ouais. Tu veux être en équipe, mais pas pour être encore sur un projet professionnel. Fait que c'est pour ça que les gens se sont retournés vers le côté société. Ça reste la compétition aussi, les jeux. Dépendamment plus, des jeux, il y a tellement de types de jeux que tu peux aller chercher différents éléments, soit des jeux coopératifs, des jeux compétitifs et tout. Puis en fait, c'est qu'en ce moment, les gens sont tellement soit centrés sur leurs écrans, leur télé et tout, ou sur des éléments plus individualistes. Ils se mettent les écouteurs, ses oreilles, ils vont s'entraîner. Que là, il n'y a plus d'occasion pour... Tu sais, plus de prétexte nécessairement pour rassembler les gens en personne. Jaser autour de la table, là, ça va être vite, vite les repas, vite, vite ci, vite, vite ça. Fait que maintenant, là, à part les jeux de société, t'as quelques repas dépendamment des familles, mais c'est rare les occasions de rassemblement. Mmh. Fait qu'en fait, les Québécois, ils ont intégré les jeux de société à leur loisir. Puis la clientèle cible, la clientèle la plus pratiquante, c'est les 20 à 40 ans, qui sont présentement des anciens adeptes de jeux vidéo. Donc, ils ont eu leur phase d'arrivée des technologies, mais qui, là, ont besoin de retourner vers des valeurs plus de rassemblement, de passer du temps avec les gens autour d'eux. C'est drôle, ils ont essayé souvent, et il y a ça encore aujourd'hui, de faire les jeux de société en jeux vidéo. C'est un monopoly de jeux vidéo. Il n'y a personne qui achète ces affaires-là. Que je vois personne jouer à ça, parce que tant qu'à faire, joue au vrai. Exactement. Mais ils essayent d'aller chercher des clientèles en se disant, est-ce que si je le mets sur une autre plateforme, c'est là qu'on est rendu? Mais on voit que les gens ont besoin de retourner à la plaquette de jeux de table. Oui, exactement. Puis, ça a été prouvé par le vice-président aux affaires publiques de chez Québécois que depuis 4 ans, la surface consacrée aux jeux de société a doublé dans les magasins Archambault. Okay. La demande reste toujours en croissance. Donc ça, c'est en croissance. C'est bien, et ça montre aussi, parce qu'on voit tout le temps les jeux inspirés d'émissions qui jouent sur les chaînes de Québécois. Il y a tous les jeux de société de chacun de leurs quiz existent en version boîte, mais puis ça doit se vendre bien. Ça fonctionne, les gens s'attachent à ça, mais au lieu d'être devant leur écran, ils peuvent partager des moments en famille et amis. Tu dis Québécois, mais j'en trouve juste un. Il y avait... Occupation double. Faites-moi confiance. Ça compte pas, ça, c'est de la... Ouais, mais il y en a... Tu sais, il y a des quiz de questions pour un champion, sur plein de chaînes télévisées, mais toute la guerre des clans, la pyramide, je sais que c'est pas tout à Québécois, là, mais c'est ça, la guerre des clans tombe crochu, ça, c'est pas Québécois. C'est pas Québécois, mais ce genre d'émission-là, c'est retourné vers la plateforme jeux de société et ça roule et ça se vend. En fait, une autre des raisons qui justifierait pourquoi les gens se retournent vers les jeux de société, c'est qu'ils sont plus attrayants. En fait, depuis 1995, les jeux ont révolutionné, puis la façon de jouer aussi. Les dés, les faux billets de Monopoly, les cartes de crédit. Tu sais, les Monopoly, maintenant, il y a des Monopoly cartes de crédit. Fait qu'ils s'adaptent tout en gardant des jeux de base, des jeux clés. Ils ont été aussi... tu sais, on a vu des planches de jeux se transformer en planches en 3 dimensions, avec des thématiques. Fait que t'as, mettons, Monopoly Zombie, Monopoly Far West. Fait que tu sais, à un moment donné, t'as eu de la nouveauté, mais tu ramènes la base de la plaquette des jeux de société. Aussi, comme on disait tantôt avec Mathieu, il y a différentes façons de jouer. Ça peut être un jeu coopératif, ça peut être un jeu compétitif. Toutes les offres qu'il y a sur le marché maintenant peuvent répondre aux besoins, peu importe quel qu'il est. Puis, ça a été remarqué que les Québécois aiment particulièrement les jeux d'ambiance, ceux qui font monter les décibels autour de la table et où le gagnant importe moins que l'ambiance qui a été développée sur place. Les gens aiment le moment passé entre eux, ce qui fait la différence entre quand t'es face à un ordi et que t'as gagné, là. C'est tout le suspense, le travail d'équipe. Tu sais, à un moment donné, quand le monde se lève autour de la table, puis là, ils sont dedans, là. Fait que ça a été remarqué. Il y a aussi une grande demande pour les jeux qui sont courts en termes de temps, qu'il y a des règles simples, que toute la famille peut y jouer. Parce que les modes d'emploi, là, ça fait souvent ce qu'on évite de jouer. On les suit pas, de toute façon. Tu lis pas, t'essaies de comprendre par toi-même. Si ça marche pas, tu mets le jeu de côté, tu le ressors plus jamais de l'armoire. Monopoly, qui joue avec les hôtels et les maisons? En tout cas, moi, j'en connais pas. T'sais. Ben toi, oui. Sûrement. Ben là, mais moi, si tu joues pas de maison, pas d'hôtel, y a pas vraiment de but au c'est jeu. C'est faire le tour de la place. C'est ça, tu ramasses de l'argent. Avenue Connecticut. Ah. Moi, c'est, ça a toujours été comme ça. Ah, 200 piastres, je sais pas, c'est go. Ah oui, toujours. Mais y a pas d'argent. Il fait juste de l'argent, il achète rien. Il fait juste des 200 piastres. C'est capitaliste, pardon. C'est et parfait. Bon, les méchantes sociétés. Y a aussi les jeux pour enfants qui ont évolué depuis plus de 20 ans pour devenir plus attrayants, plus rigolos et surtout plus éducatifs. Les gens vont chercher une phase d'apprentissage là-dedans, en disant pourquoi ne pas rendre l'utile à l'agréable, là, de vraiment aller chercher le côté ludique dans tout ce qui pourrait motiver le jeune à apprendre. Donc, ça disait que les parents sont de plus en plus nombreux à chercher des jeux spécialisés, plus intéressants que les jeux en série « Made in China ». Fait qu'il y avait ça. Puis que, je sais pas si vous savez c'est quoi la boutique Le Valet de Cœur à Montréal, qui est une boutique de jeux de société. Non, mais je veux savoir. Sur place, en plus de vendre, comme c'était une librairie, puis ils vendaient des livres, ben, ils vendent des jeux de société, mais sur place, il y a aussi des soirées thématiques jeux de société. Des fois, tu rentres, il y a des gens qui sont en train de jouer à des jeux, donc tu peux en essayer et tout. Puis on dit que les jeux pour enfants représentaient 25 % de leurs ventes en boutique. Donc il y a vraiment une demande croissante à cet effet. Puis, il y a vu l'engouement des gens pour les jeux de société, il y a même un prix qui a été mis en place en 2009. Ça s'appelle le prix 3 Lys. Et c'est chaque année, on remet... je veux dire combien de gagnants? En fait, c'est que le jury, il teste 150 jeux. Des jeux pour enfants, des jeux grand public, des jeux passionnés. Job ingrate. Ah ouais. Puis il faut que les jeux soient édités en français, que le nom de l'auteur soit clairement indiqué sur les boîtes pour que ce soit admissible. Ah, c'est bien, fait ça. Que déjà, ça encourage beaucoup le marché. Puis, chaque année, il n'y a pas de nombre. C'est les meilleurs jeux de société distribués au Québec. Ça devient un peu comme le protégez-vous des jeux de société. Ouais. Ça devient un conseil. Maintenant qu'ils ont testé, c'est pas juste, ben voici notre top 3, c'est voici les forces de chacun des jeux. Voici comment on pourrait les classifier. C'est fun, ça. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Le prix 3 listes depuis 2009. Un autre élément qui est intéressant, c'est que les bibliothèques se sont mis la main à la pâte et il y en a beaucoup qui développent le concept que les gens peuvent venir louer des jeux. Donc, oui, parce que ça devient très cher. Ces jeux-là ne sont pas donnés. Ils ne sont plus. Pas donnés, puis c'est ça qui est intéressant dans les pubs et dans les cafés quand tu peux les essayer. Premièrement, tu l'aurais peut-être pas acheté parce que l'emballage te disait rien. Ouais. Ou tu n'as peut-être pas juste les moyens de te le payer. Ouais. Ça fait du bon temps entre amis. Tu le remets là. Des fois, il y en a qui n'ont pas de place non plus chez eux pour entreposer 25 jeux de société. Tu sais, tu loues une chambre, là, à un moment donné, t'es limité dans. Non, mais tu loues une chambre pour mettre tes jeux de société, clairement. Oui. Puis, j'avais une citation que je trouvais vraiment intéressante d'une dame qui est la directrice associée des bibliothèques de Montréal, qui a dit qu'à Montréal-Nord, après les émeutes de 2008, ils cherchaient un moyen d'attirer davantage les jeunes dans les bibliothèques en se disant « Si on les occupe, ils seront pas dans la rue à faire du grabuge puis du trouble. » Puis, on dit « On va offrir une soirée de jeux de société, dans la bibliothèque. » Il attendait une cinquantaine de personnes. Il en est venu 150. Ouais. Donc, à ce moment-là, là, la demande a tellement été grande, mais pas juste pour une fois. À toutes les fois qu'ils l'ont fait, c'était plus que prévu, puis ça allait en augmentant. Fait que maintenant, ils proposent deux soirées de jeux de société par semaine à la bibliothèque. Quand même! Fait que ça, c'est vraiment impressionnant. Puis, mais pour l'instant, il y a seulement 5 bibliothèques du réseau à Montréal qui offrent le prêt de jeux de société, mais c'est vraiment en développement parce qu'ils voient que les gens aiment ce service-là. Tu sais, au début, ils disaient, est-ce que les gens vont partir avec, vont perdre des morceaux, vont plus... Ah, les morceaux, ça roule bien. Fait que... on le verra sûrement se développer. Ça doit être frustrant. Je sais pas si les casse-têtes, ça rentre là-dedans, là, mais... quand tu le fais, puis qu'il te manque le dernier morceau à la fin, là... C'est que t'es compte au début. Tabarouette. Faut que t'es compte, ouais, j'imagine avant. Mais il y a jamais le vrai nombre, qu'est-ce qui est inscrit sur la boîte, là. Non, oui. C'est un approximatif, quoi? Ben oui, c'est une approximation. C'est vrai, ben oui, parce que j'ai déjà compté. Ah oui. Par curiosité, puis si jamais le nombre exact, ouais. Là. Wow. C'est une approximation pour dire à peu près, tu sais, combien de temps ça va te prendre. C'est comme le nombre de guimauves, puis c'est des affaires dans... qui sont comptées. Le nombre de guimauves. Les morceaux de chocolat, tu sais, dans une boîte de je sais pas quoi, tu sais. C'était genre environ X morceaux, tu sais. C'est approximatif. Voilà, on a fini, c'est à ton tour. C'est ça, oui, mais je vous écoutais parce que moi, je là, tu trouves mon enfance. Là. Tu ferais ça avec 10 000 morceaux. Ah, mais des casse-têtes, c'est pas mes préférés. Peut-être même qu'ils arrondissent beaucoup, c'est peut-être 900, genre 60. Je sais pas. Ils arrondissent. Ben, c'est là, c'est 1002 ou c'est genre 960. Là? Ah. Ah mon Dieu, je pourrais pas dire ça, je m'en souviens pas, mais plus genre 1002 là, que. Okay. On a des bonnes questions, tu sais. Toi, c'était quels jeux sont sortis du côté de TVA. J'avais On connaît la chanson. Il y avait ça aussi. Oh! J'en ai trouvé un autre dans ma tête. On tient de quoi? On tient d'avoir la réponse dans la prochaine chronique. Puis, je trouvais intéressant que dans l'article aussi, il y avait ce qu'il appelait dans la rubrique « Suggestions de passionnés ». Ils sont allés chercher deux personnes, Normand Damour et Tammy Verge, okay. Qui sont un reconnu pour ses rôles au théâtre et au petit écran, puis l'autre qui anime à la radio C'est quoi, qui sont porte-parole officielle de l'événement Montréal Joue. Et ces deux comédiens-là sont tombés dans les jeux de société quand ils étaient petits. Donc, puisqu'ils disent qu'ils s'en sont jamais sortis, ils font un portrait de... C'est quoi leur top 5 jeux de société chacun avec les forces des jeux? C'est vraiment intéressant à voir. Donc, Normand Damour, qui disait que quand il était petit, ses parents jouaient beaucoup aux cartes, mais lui, il s'est retourné vers ce type de jeu-là au début, puis après, quand tu tombes là-dedans, tu découvres plein de sortes de jeux. Premier jeu dans son top 5, l'hostie de jeu. Est-ce que vous savez c'est quoi? J'ai entendu un peu parler. J'ai entendu le nom, je l'ai vu, mais j'ai pas joué. Exactement. En fait, la façon qu'il décrit, c'est un jeu pour les plus de 18 ans, créé par le Randolph Pub, où il faut choisir la meilleure réplique pour compléter une phrase. C'est le Cards Against Humanity québécois, c'est ça, oui. C'est simple, mais chaque fois que je joue, je me bidonne en avoir mal au ventre. Donc, lui, il met en top 1 l'hostie de jeu. Le deuxième, ça s'appelle Give Me Five. C'est un jeu très simple où il faut associer les lettres avec différents thèmes. Le troisième, c'est Tokyo Train, un jeu très drôle où il faut déplacer des cartes rapidement en suivant des instructions en japonais. Non? Donc, comme c'est un jeu d'équipe qui peut se jouer jusqu'à 8 personnes, ça peut rapidement devenir cacophonique. Fait que lui, il trouvait ça drôle. Le quatrième, c'est Timeline. Est-ce que vous avez déjà joué? Non. C'est un jeu de connaissances générales qui tu dois replacer les événements par année. Ah oui. Puis le cinquième qui a mis, c'est Double. Ça, c'est un jeu d'observation puis de rapidité qui se joue très bien soit avec des enfants ou en famille. Il faut associer des cartes à partir des symboles qui s'y trouvent puis trouver ce qui revient de pareil. Ça a l'air bébé d'écrit de même, ce jeu-là, basic, mais un petit peu, ouais. Pour de vrai, le monde devient une fourraine. Chaque fois que je le sortais, je l'expliquais aux gens, puis ils disaient « Ah, OK, on va jouer une fois, mais t'as l'impression que c'est un jeu pour enfants. Ouais. Hey, on joue! Hey. » Le monde devient fou avec ce jeu-là. Un peu le principe de Jungle Speed, là. Qui est un autre jeu de rapidité. Sinon, Tammy Verge qui a dit que... Un petit citation au début, avant son explication du top 5. Elle disait que tout petite, elle utilisait même des jeux, des biens Monopoly ou du jour de paye pour faire des jeux de rôle. De rôle. Fait qu'elle, elle sortait des pièces de certains jeux, puis elle s'en servait dans d'autres jeux. Fait que là, elle était riche, elle avait plein de morceaux. Fait qu'elle, c'est une bonne idée, ça, des mash-ups de jeux. Puis, elle, son top 5 de jeux, premièrement, les Colons de Catan. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est quand même un classique. En fait, désolé, j'ai pas d'avis. Non, moi, je peux... Vous inviter, moi. Moi, mes classiques, c'est les classiques, classiques. Genre Monopoly. Risque. Ah, mais c'est dans cette même branche-là, pour de vrai, si tu tripes sur Risque... Non, j'ai ça. OK, si tu tripes sur Risque... Non, j'ai ça. Ah, ben, mettons que ceux en monde qui aiment Risque. Les Colons de Catan, c'est un jeu qui est... t'as une ville... T'as une ville puis des chevaliers, t'as des ressources naturelles, faut que tu les échanges. Moi, quand on m'a expliqué au début, j'ai fait... Hein? Pas vraiment mon genre de jeu, tu sais, moi, cette affaire-là, Donjon Dragon, pis tout ça. Puis j'ai adoré ce jeu-là, je le vois vraiment le même type que Risque. Okay. Donc, tu conquiers ton territoire, mais via des ressources naturelles au lieu de via des pays. Sinon, il a mis Seven Wonders. Elle a mis Seven Wonders, j'ai aucune idée c'est quoi, j'ai jamais joué, mais elle dit que c'est un jeu simple à comprendre, qui peut jouer à plusieurs, puis qui est basé sur des échanges de cartes et la construction de civilisations. Ah. Je pense qu'on est dans son genre de jeu. Elle aime l'histoire, t'sais. Oui. Le troisième, c'est Dixie. C'était son jeu préféré en famille, autant avec sa fille de 5 ans que son fils de 17 ans, que sa mère de 60 ans. C'est un ça jeu familial. Ouais. Mais souvent sur les jeux, vous remarquez, tu as marqué de 7 à 77 ans. Moi, ça me faisait rire, me demander qu'est-ce qui se passe après. Ouais. 78 ans, grand-maman, tu peux plus jouer. le quatrième, c'était Québec, je me souviens. Donc, plusieurs questions de culture générale par rapport au ça, Québec. Ça, j'ai vu ça. Puis le cinquième, c'était Agricola. Fait qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup dans les jeux de conquérir. Ouais, très historique. Sinon, je vais terminer avec quelques événements qui sont au calendrier par rapport aux jeux de société, parce que souvent, on imagine plus ça comme en famille, entre amis, mais ça peut être aussi un rassemblement où est-ce que tu rencontres des gens, un peu comme des festivals où est-ce que tu sors de chez vous, mais sous prétexte de jeux de société. Donc, au mois de mai prochain, il y a les Journées ludiques de Québec. On va avoir au mois de septembre, c'est à Longueuil, novembre, c'est en Outaouais. En novembre 2015, Salon du jeu de société de Montréal. En fait, ça va être la deuxième édition. Ils ont commencé l'année dernière, ils ont dit on va faire venir sur place différents producteurs de jeux de société, créateurs de jeux de société, pas producteurs, créateurs de jeux de société. Là, tu te promènes, c'est un peu comme le Salon du livre, mais de jeux de société. Oh. Fait que c'est vraiment intéressant. Autant que les gens vont t'expliquer, hey, t'as-tu vu, tu connais-tu, que souvent ils vont avoir sur leur table un exemple, des vidéos, ils te le font essayer. Donc c'est vraiment. Ça vraiment... doit être dur de ne pas virer fou là-dedans puis tout acheter. C'est clair. Les passionnés, mais c'est le même principe que quelqu'un qui va au Salon du Livre puis qui tripe lecture, à un moment donné, tu sais plus où mettre de la tête. Ouais, ouais. Puis sinon, ça disait, parce que là, il y a des activités ponctuelles, là, à peu près une fois par mois, deux mois, mais différentes places au Québec. Mais où est-ce qu'on peut jouer aux jeux de société à longueur d'année si c'est pas entre amis ou avec notre famille? Mettons que t'es loin de ta famille, tes amis jouent plus ou moins aux jeux de société. Il y a des pubs et des cafés ludiques qui sont destinés aux amateurs de jeux de société. Puis ça commence à beaucoup se développer Montréal, Québec, Gatineau, Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ça nous prendrait vraiment ça ici. Ben oui. Oui. Tellement. Il y a déjà des places pour jouer à des jeux de rôle, les Donjons et Dragons, comme on l'a dit tantôt, mais ça, il y a pas. Il y aurait une clientèle. Ouais. Puis souvent, la seule limite, si on veut, c'est que ces jeux-là, quand ils se mettent dans des pubs ou dans des bars, c'est 18 ans et plus. Donc là, on ne rejoint plus la famille entière. Ben, grand-maman peut venir au bar, mais la petite soeur, le petit frère peut peut-être pas. T'sais. Mais avant que quelqu'un ouvre un bar comme ça, un bar qui existe déjà pourrait se lancer sur le marché des jeux de société. Oui. Un bar qui existe déjà pour vraiment venir damer le pion ou autre expression de jeux de société aux autres qui pourraient arriver. Exactement. Ouais. Justement, on dit présentement, il y a certains bars ou pubs qui ont de la difficulté au centre-ville. Oui. Ça pourrait être une... Je pense que ça pourrait être une bonne façon de faire un renouveau. Entièrement d'accord. Parce qu'on voit des nouvelles places qui rouvrent, on dit un nouveau concept, mais que dans le fond, nouveau, c'est bar. Exactement la c'est même ça. Chose que toutes les autres. Donc, je pense que ça pourrait être une belle avenue pour aller chercher une nouvelle clientèle. Ouais, mais si les gens, la raison pour laquelle ils sortent plus, c'est parce qu'ils disent, ben, tant qu'à aller prendre un verre et le payer 8$, je vais m'acheter ma bière au dépanneur, m'en coûter 30 cents. Ben, il faut que tu réussisses à les sortir de chez eux par des vrais nouveaux concepts. Ben, c'est ça. Moi, je vais pas dans un bar pour boire, je vais pas dans un bar pour écouter de la musique. Si tu vas là pour jaser, la musique est trop forte, j'ai comme pas d'intérêt. Ouais. Donc, faut aller chercher des gens peut-être plus comme ben, moi et Mathieu. Ouais. Je pense qu'il est pas mal sur la même longueur d'onde. Donc, essayez d'aller chercher une nouvelle clientèle au lieu d'essayer de piquer la même clientèle aux autres bars. Exactement. Voilà. Bien dit, ça. Moi, ce qui m'impressionne, parce que j'ai fait un tour à Montréal au Randolph Pub, chanceux. C'est il y a 4000 jeux. Là, ça doit être hallucinant. Tu dis, c'est un peu comme une bibliothèque. Là, c'est vraiment classé par style de jeu. Pas par ordre alphabétique. Non. C'est comme la discothèque de Sifu. C'est vraiment classé par style de jeu. Fait que t'as vraiment des jeux de rapidité, des jeux de stratégie, des jeux pour conquérir, tu sais. Des jeux de rôle, n'importe quoi. Moi, ce qui m'impressionnait, c'est mais où étaient tous ces jeux avant d'arriver au pub? Parce que t'as pas juste les 10 derniers jeux qui sont sortis dans l'année à Warchambault. Ouais. T'as des jeux qui datent de 1950. T'sais. Moi, je dirais qu'il y a eu des dons sûrement mais à la fait, famille des gens qui ont créé le bar. Normand d'Amour a été un des fondateurs, ou en tout cas instigateur, par rapport à instigateur de tout ça. Puis il dit que lui, depuis toujours, ça jouait dans sa famille. Puis c'était tout, la trois quarts dans son sous-sol. Là. Mais tu sais, c'est le genre de personne que la ma tante a déménagé, lui récupère les jeux. Tu sais, à un moment donné, il était la référence de jeux de société dans son entourage. Ouais. Que les gens y en donnaient, soit des nouveaux ou des anciens qui se débarrassaient. C'est incroyable. Et c'est le fun parce que là, t'arrives là-bas et tu te dis, mettons, OK, mais moi, je suis pas une experte en jeux de société. Mmh. Comment je fais pour m'y retrouver? Soit que tu vas voir, parce que dans la place, il y a des serveurs, comme d'habitude, qui vont te servir ta bière, tes nachos, peu importe. Et t'as des animateurs. Ces gens-là ont comme rôle de, non seulement, quand t'arrives, t'expliquer, ben regarde, c'est placé là, quel type de jeu t'aimes, ou c'est pas les jeux que t'aimes, je vais t'en trouver d'autres qui ressemblent, mais des nouveaux. Ou encore, t'en choisis, puis là, tu dis, je veux essayer de jouer à ce jeu-là. Comment, et lui, il sert de mode d'emploi. T'as pas à le lire, il te l'explique. C'est parfait, eux, ils sont formés. Ils connaissent les 4000. Ben, s'ils les connaissent pas, c'est leur job, fait qu'ils recheckent le mode d'emploi, ils disent, oh oui, c'est ça, puis ils te l'expliquent. C'est vraiment. Fait qu'ils sont comme un mode d'emploi humain, mais c'est parfait comme c'est concept. C'est la vie, là, c'est génial. Parfait. Là. Une autre chose, là. Ça salit des jeux, ça? Qu'est-ce que tu fais avec le jeu? Il est-tu plastifié? Il y en a que oui, mais c'est toute la loi du gros bon sens pour tout le monde aussi. Là, mon année, si tu le brises, ben gâteau non plus, tu peux plus jouer. Là, t'es nono. T'es nono. T'es nono. On est en onde. Ben, insulte. Espèce de nono, toi. T'es nono. Bon. Hey, cette chronique-là. Attends un peu. Ça, c'était une belle chronique! Ça, c'était une belle chronique! Wow! Hein? C'était un bon jeu. Merci beaucoup, Marie-Laurence. On est. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi, à 8h. Oui. Puis on parle d'autres choses, mais j'aurais aimé ça pouvoir parler de jeux de société à chaque semaine. C'était cool. C'est vraiment le fun. Ouais. Ça serait quoi votre classique jeu de société? Que c'est vous... tough comme question. Ouais, c'est vraiment difficile. Crème. Moi, je dirais là, que j'ai le problème de... Je découvre un nouveau jeu. Puis là, je le fais découvrir. Non, mais moi, je me tanne pas d'y jouer 500 fois. Fait que là, je le fais découvrir à mon entourage. Je dis, vous savez pas quoi. Ah! Fait que là, j'arrive à du monde, je leur montre, puis là, je leur explique. Puis au début, tu sais, moi aussi, je suis plus ou moins à l'aise avec les règlements. Fait que tu sais, je les apprends. Mais une fois que j'ai maîtrisé le règlement, là, j'arrive avec une gang. Là, je leur montre, là, ils aiment ça. Là, avec une autre gang, avec ma famille. Fait que là, je me promène partout avec. Et vous savez pas quoi, genre, il est dans mon sac d'école, je l'ai tout le temps, je le plug partout. Mais quelqu'un qui est trop souvent avec moi dans une journée dit, oh non, ça fait 4 fois aujourd'hui avec du monde différent. Fait que là, à un moment donné, tout le monde autour de moi est tanné de jeu, pas moi. Mais là, je vois que plus personne veut jouer. Fait que j'en trouve un nouveau. je m'adapte à mon public. Ça fasse une rotation après. Oui. Mais tu sais, je suis le genre de fille qui en a un pour vrai, soit un jeu de cartes dans ses poches ou dans son sac d'école, j'ai des jeux de société. Il y a un sac de petits poissons orange. Ah, mais ça, j'ai toujours besoin d'un, là. Toujours! Toujours! Petit poisson goldfish. Moi, c'est de mon côté, je suis facile un peu, vous allez me dire, c'est peut-être même pas des jeux de société. Mais j'aime, tu sais, le petit jeu, c'est une grille de lettres, faut que tu fasses des mots, là. Ça, c'est. Scrabble. Non, l'autre. Le petit. C'est pas Yadzi, ça c'est avec les dés, l'autre là, c'est comme un genre de Buggle! Buggle! Ça c'est ah cool, oui, Buggle! C'est et fun, j'aime ça. Beaucoup Jenga. Je suis un grand fan de Jenga. J'ai acheté Jenga Boom à Noël. C'est pas le meilleur à acheter, je vous conseille pas nécessairement, mais c'est que tu construis ta tour sur une petite plateforme, puis t'as une corde, puis la corde à l'avance, puis à la fin ça explose, puis la tour tombe. C'est cool. Ah, oh, c'était pas vrai. Fait que les variations de Jenga, c'est vraiment le fun. Il y a un nouveau Jenga avec Donkey Kong. Ben, nouveau, récent. Ouais. Où tu places Mario et Donkey Kong dans la tour, puis il faut que tu fasses certaines affaires, t'as comme des objectifs à atteindre. Ben, ça reste Jenga en tant que tel, fait que c'est vraiment cool. Ah, c'est bon. Tour de bois, j'aime ça. Puis tu sais, tantôt, quand on parlait de l'ambiance qui est créée autour de la table, moi, c'est un peu ça que je vais chercher dans les jeux de société, plus que la finalisation de dire est-ce que ça va être un jeu de conquérir, un jeu de stratégie, un jeu de. Un jeu de moron comme Jenga. C'est vraiment plus l'ambiance que tu veux faire créer. Mais oui. Le fun, les rires que t'as avec tes familles et amis, c'est ça au final les plus beaux souvenirs. Tu te souviendras pas dans 2 ans, c'est qui avait gagné la partie à combien de points. Mais tu vas te dire que cette soirée-là et qu'on a eu du fun, puis tout ça est relié à ce jeu-là. On a ressorti un vieux jeu il y a pas longtemps. Je sais pas si vous connaissez Atmosphere. C'était un jeu supposément d'épouvante qui se joue avec une cassette VHS. Hein? Puis, oh, t'as le plateau de jeu. Mais tu sais, c'est genre début, année, début 90. Là. Mais on a rejoué à ça cette année. Les vidéos qui étaient sur VHS sont sur YouTube actuellement. Cool. Donc, si t'as la planche de jeu, tu peux jouer avec ça. Et je peux vous dire que rire comme ça, ça n'a juste pas de bon sens. Tu sais, mauvais comédien, mauvais costume, tu te rends compte de ça aujourd'hui. Puis t'as un certain laps de temps. Donc, à la fin, c'est juste le chaos parce que tu dois, dans le fond, en équipe, battre le maître de jeu qui est à l'écran. Okay. Fait qu'à la fin, c'était le chaos total et c'est juste beaucoup trop de plaisir. Donc, si jamais vous pouvez jouer à ça, là, un super jeu de mots entre peur et atmosphère. Là. Atmosphère. Ah, j'avais pas vu! C'est bien drôle! C'est bon! Je pense que j'ai la réponse finalement, c'est quoi mon jeu préféré, mais c'est pas vraiment un jeu. C'est quoi ça? Mais c'est justement pas un jeu, c'est genre les jeux de cartes. Ben oui. De dire que ce paquet de cartes-là peut faire 300 000 jeux, que tu traînes ça là, dans tes poches, là. Peu importe face à qui tu te retrouves. Moi, j'ai beaucoup fait d'animation dans des camps ou dans d'autres choses. Là. Tu te retrouves avec des jeunes enfants, tu peux faire des jeux bien simples. Tu te retrouves avec des adultes, tu sais, tu vas jouer à un moment donné au trou de cul, tu vas jouer à d'autres choses. Mais le même jeu... on est en onde. Mais le même jeu peut servir à tout le monde, peut faire des longues parties, des jeux de rapidité, des jeux de stratégie. Oui. Moi, je pense que c'est vraiment... la base. Moi, à chaque fois que je vois ma grand-mère, on joue aux cartes, puis j'ai tellement de plaisir. Depuis toujours, on joue aux cartes ensemble. Puis, elle sait, là, quand j'arrive, là, elle est loin, malheureusement, mais surtout que j'arrive, là, le jeu de cartes, il est prêt. Puis même si les... Parce que j'ai travaillé aussi avec des aînés en perte d'autonomie, même s'ils perdent la mémoire, ces jeux-là, ils les oublient pas. Ça revient, ben non. Ils oublient pas, puis ça, c'est impressionnant. C'est encore mieux que faire du basic, ça reste encore plus. Ouais. Ben oui. Voilà. Okay. Wow. Ah, bon, on a mis carte sur table, cette chronique-là. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Marie-Laure. Bonne journée. On prend une pause. Moi, je crois avoir entrevu de loin, mais tu sais, ma vision, je pense à des vieux, des fois, peut en perdre un peu, mais je crois avoir aperçu une amie à nous. Je crois. Hein? Une amie à nous qui pourrait nous rejoindre en studio si tout va bien tantôt. Hey. Hein? C'est le cas? C'est le cas? C'est bien elle? J'étais pas sûr. C'est Justine Renaud! Justine Percé, nos retours à Assemblage Requis, restez là. Fou de folk! C'est fou! 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, c'est l'émission maintenant en pièces détachées. Allez, Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plan. Oui, on est jeudi, c'est le dernier jour de la semaine pour bien des gens, le jeudredi comme on l'appelle. Et le jeudredi, ben faut se divertir un peu. Là, on s'est diverti avec Marie-Laurence Audet. Et après ça, il faut apprendre aussi, ben, apprendre en se divertissant. C'est comme un mash-up entre l'apprentissage et le divertissement, ou entre le fun, puis le concret, puis la sagesse. Hein? C'est tout et beaucoup plus. C'est Justine Renaud et Justine Pertine. Mathieu. Qu'est-ce qu'il y a, Justine Renaud? T'essayais-tu de dire de joindre l'utile à l'agréable par hasard? Genre, mais d'une autre avec façon. Avec d'autres mots pour avoir l'air c'est intelligent, ça a planté. Non, ah, mais non. C'est rare que ça marche dans mon cas. Ça a eu un effet inverse. C'est ça, j'ai l'air moron encore. Moron! Morone, morone. Morone. Morone. Non, Justine Renaud, Justine Pertine, à chaque fois qu'on se rencontre, tu nous présentes un sujet de la science, de la nature... de l'environnement, ou peu importe, et tu nous l'expliques, et puis tu fais jouer de la musique pour aller avec. Oh, c'est comme cute. Je suis cute. Mais je suis cute quand même, là. Je suis comme toute faite. Comme mes sous-vêtements, faites avec ma brassière, faites avec mes souliers, faites avec ma tuque. C'est the carpet matches the drapes. Exactly. La semaine dernière, on a parlé de feu. Par le passé, j'ai parlé de tout plein d'autres aspects de la nature. J'ai parlé de couleurs. J'avais déjà parlé des feuilles. Pourquoi ça tombe, les feuilles? Oui. Ça ne nous intéresse plus. Puis si les feuilles sont tombées, ça fait longtemps. Puis on a hâte qu'ils repoussent. Hey, dans le présent. Ah, mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose complètement différent de ce qu'on a parlé par le passé. Mais c'est quelque chose qui nous accompagne dans la vie de tous les jours. Ce sont les miroirs. Ah, ça nous rend curieux, ça. Miroir, miroir. Comment ça fait que les miroirs, que les jouets pour enfants, quand, quand ils ont à mettre un miroir, c'est juste un papier d'aluminium dessus, puis on se voit comme tout croche dedans. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas créer un miroir incassable? Il y a plein de questions comme ça qu'on se pose. Parce que les miroirs, non, mais il est cassable. De un, le papier en aluminium, il est froissable, mais pas cassable. Parce ça? Que c'est, comme tu dis, c'est souvent comme un carton ou un plastique avec un recouvrement de piètre qualité en aluminium. Ta question étant pourquoi ils en font pas un en vitre? Ben parce que mais parce qu'ils vont le casser et ils vont se couper les veines. Ou sinon, comment ça fait un miroir, comment ça fait que c'est pas juste une grosse cuillère? Je veux dire, on se voit dans une cuillère, tu sais. Hein? Comment ça se fait? Ben là, je m'excuse, mais si on voulait vraiment voir de quoi qu'on a de l'air, on ferait dur. Non, mais je veux dire... Mais ça, c'est avantage certain, ça a des avantages. Je vais vous en parler un petit peu de l'histoire des miroirs, puis vous allez voir un peu par quel trajet ça a passé, cette affaire-là, puisque des miroirs, il en existe depuis 6000 ans avant Jesus Christ. Oh! Jesus Christ! Fait que, Jesus Christ, comme le Jésus et le Christ en fromage. Ouais. Jesus Christ. Ah, je suis sûre que oui, que ça existe, Jesus Christ. On va aller voir, je vais chercher sur Google. D'accord, check ça pendant que je vous parle de miroirs. Dans le fond, les miroirs, comme j'ai dit, c'est des objets du quotidien, mais rares sont les personnes qui savent vraiment comment ça fonctionne, comment ils sont fabriqués, etc. D'abord, la définition d'un miroir, c'est quoi? Stéphanie, TikTok. Une affaire qui reflète. Oui, ben OK, ça reflète, mais... Ça me fait une face de... C'est quelque chose que j'utilise pour miroir dedans. Ouais, genre. Quand même. C'est quand même un peu ça. C'est assez simple qu'on peut dire qu'un miroir est tout simplement un objet qui reflète la lumière. Mais c'est pas uniquement ça. Plusieurs choses reflètent la lumière, mais ne donnent pas d'image miroir de ce qui se trouve dans le champ de réflexion. Pour qu'un objet soit considéré un miroir, il faut que la lumière reflétée préserve la plupart des caractéristiques physiques ondulatoires de la lumière d'origine. Donnant donc une image miroir identique ou déformée dans certains cas, genre au cirque. Ça, c'est un peu dégueu. Un peu. Surtout que ça s'accompagne d'une odeur de vomi souvent. Là. C'est vrai. Et ou de corn dogs. Ah, ça, c'est bon, ça. Ben, je sais pas. Juste mélanger avec l'odeur de vomi, non. Ouais. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a un bout dans une de mes chroniques, j'avais parlé des couleurs et par le fait même, j'avais parlé des ondes électromagnétiques. Ouais. Ben, les ondes électromagnétiques comprennent la lumière visible, comme je l'avais dit, mais aussi des micro-ondes, les ondes radio, les rayons X, UV, infrarouge, gamma, etc. Hein, les ondes, etc., ça, c'est mes préférées. Ah, ouais. Un miroir peut, par définition, refléter des ondes électromagnétiques en général. Ça veut dire qu'on pourrait avoir un miroir qui reflète des infrarouges, oui. Hein? Mais la majorité des miroirs ne reflète qu'une partie du spectre. Donc, disons, toute la lumière visible avec les rayons UV ou toute la lumière infrarouge des ondes radio ou des ondes micro-ondes. Mais un miroir, comme on les connaît de la vie de tous les jours, genre celui que vous utilisez pour vous regarder la gueule de bois le matin là, quand on se lève, lui, il reflète au moins la lumière visible. Mais je peux pas vous garantir qu'il reflète autre chose. Ça se peut qu'il reflète autre chose. Genre la vérité. Je sais pas. Dans la vie de tous les jours, il existe toutes sortes de miroirs. Le plus courant, c'est le miroir plan, c'est-à-dire celui qui a une surface plane et lisse et qui ne déforme pas l'image. Ouais. En tout cas, qu'on souhaite qu'il ne déforme pas l'image. Lorsqu'un faisceau de lumière heurte le miroir, sa direction dans l'ensemble va changer de direction à 180 degrés. Va vraiment le flipper de bord, en bon français. Le faisceau va être reflété et va se retrouver à l'envers. Il va donner donc une image miroir. C'est pour ça que quand on se regarde dans le miroir, on est à l'envers. C'est à cause que les ondes font 180 degrés. C'est pas compliqué. C'est parce que les photons qui constituent le faisceau demeurent parallèles après avoir heurté le miroir. Fait qu'ils entrent en parallèle et ils ressortent en parallèle. Okay? On se souvient, les photons, ce sont les petites particules mi-ondes, mi-corpuscules qui constituent les ondes électromagnétiques et donc la lumière. Hein? C'est ces petites bébites-là que nos yeux y voient et qui nous permettent de voir notre image le matin post-gueule de bois. On dit de l'image formée par un miroir plan que c'est une image miroir. OK, c'est pas original, mais une image miroir, c'est simple, c'est par définition par un miroir plan. Un miroir qui est incurvé va pas donner une image miroir, va donner une image déformée. Ouais. Comme dans une cuillère. Comme genre dans une cuillère. Un grille-pain. Ouais. Une sorte d'affaires qui sont métal. Pas plans, tu sais. Ouais. D'autres miroirs qu'on retrouve souvent sont les miroirs courbés. Par exemple, dans votre salle de bain, le petit miroir télescopique esthétique de votre blonde. C'est pour votre proche. L'espèce de chose qui vous permet de voir vos points noirs gros comme à peu près Jupiter. Rarement flatteur, ça. Pour être rarement flatteur, la plus belle fille au monde va avoir l'air bizarre là-dedans. Non, mais il y en a des points noirs qui sont vraiment beaux, là. Ah, c'est vrai. Non, je sais pas. Mais c'est ça. Il y a ces miroirs-là, mais il existe aussi d'autres miroirs, par exemple, sur votre voiture, du côté passager. Il y en a un qui dit « Objects in mirror are closer than they appear ». Oui. Ça, c'en est un aussi qui est incurvé. Il y a aussi le petit collant, genre « Les voitures derrière vous sont en train de perdre la course ». C'est ça, j'ai vu ça récemment. J'adore ça. Objects in mirror are losers, ou genre. Objects in mirror are losing the race. Losing the race, c'est ça, la même c'est ça. Fait que ces miroirs-là que j'ai nommés servent à augmenter ou à diminuer l'amplitude de l'image. Donc, on veut faire une plus petite image, une plus grosse image, comme on l'a montré respectivement dans mes exemples. Si on peut faire une plus petite image que ce que l'on voit, mettons, comme là, mettons, à place de regarder tes points noirs, tu verrais genre vraiment comme de derrière à la troisième personne. Un point noir. Tu voudrais voir tes points noirs à la troisième personne du singulier derrière? C'est ça. J'ai pas compris. Comme si j'étais vraiment derrière, loin derrière moi. C'est le contraire de miroir qui rapproche. Non, mais genre, oui, mais je comprends, mais ça sera pas juste ton point noir qui va être en arrière, qui va être loin. Ça va être toute ta personne. Fait que tu vas être toi-même accompagné de ta personne avec ton gros point noir. C'est ça. Va donc à l'esthéticienne, ça va être plus simple. Parfait. OK. On a d'un côté un miroir qui sert à agrandir, on le sait, hein? Ceux-ci sont concaves, courbés vers l'intérieur, donc cave. Les photons qui entrent en parallèle... C'est mon préféré, celle-là, c'est ça. Tu t'es senti interpellé. Mon oreille a fait comme... T'es cave. Les photons qui entrent en parallèle sont reflétés, mais vont converger au lieu de conserver leur parallélisme. Donc, à la place de rentrer drette puis sortir drette, ils rentrent drette puis ils rentrent par le milieu. Ils ressortent par le milieu, par exemple. C'est pas ça. Ça, ouais. À l'opposé de... Dictionnaire, quelqu'un, s'il vous plaît. Café, thésaurus. Ça peut faire la job. Thésaurus. C'est un genre de dictionnaire... C'est quoi? C'est un genre de dinosaure. Qui sait bien parler. Thésaurus. Ça, c'est pas un synonyme. C'est ça. Tyrannosaurus, thésaurus. OK. Fait que ça, c'était pour le miroir concave. Hein? Idéalement, on va faire converger les photons à un seul point. On remarque d'ailleurs que dans les miroirs pour usage esthétique qui agrandissent la face là, ou les défauts, si on n'est pas suffisamment près du miroir, on voit rien. C'est vrai, ça. Genre, quand on est loin, on voit fuck all, mais genre, on voit même pas quelque chose de plus grand derrière soi ou au milieu. On voit juste rien. Ouais. C'est que les rayons qui parviennent à nos yeux doivent converger pour qu'on voit quelque chose. Et donc, on doit positionner nos yeux au foyer du miroir pour voir ces petits points noirs. C'est un peu comme des lunettes. Même principe, il faut vraiment que nos yeux soient placés au bon endroit pour que les rayons convergent sur notre rétine. Ben, en fait, on va vouloir qu'ils convergent plutôt au niveau de l'iris, là, la pupille. Puis par la suite, ils vont comme genre se flipper de bord sur la rétine. Puis OK, mais là, je suis rendu vraiment loin. On parle pas de ça aujourd'hui, mais bref, il faut que nos yeux soient au foyer. Ouais, de toute façon, moi, je te crois pas dans ton explication. Je suis sûr que il faut juste que tu y crois. Hein, et que tu puisses dire « J'ai la foi, yeah! » T'es vraiment con. La foyer. Ah, bientôt, on va te placer dans un foyer. Merci. Steph, elle a un regard qui tue. Non, j'ai un regard juste vide. C'est ça, je peux pas croire ça. Regard du vide, c'est correct ça. On pourrait parler du vide un jour. Anyway. Ça, c'est pas noir, un trou noir, puis ça. Oui, yes, black hole of information. Ça, c'était pour les miroirs concaves. Parlons maintenant des miroirs convexes, comme les rétroviseurs côté passager, dont le but est de rapetisser l'image pour nous permettre de voir plus d'éléments que dans un miroir plan. Admettons qu'on aurait un miroir plan côté passager, on verrait des choses, mais peu de choses. Le côté de la voiture. Ouais, on verrait un peu en arrière, mais pas tant que ça. On verrait pas comme, admettons, le côté de la route à la droite complètement. On verrait pas un petit peu de notre auto à gauche. On verrait vraiment juste ce qu'il y a en arrière. Tandis qu'avec un miroir convexe, ça nous permet de voir plein de choses, mais c'est pour ça qu'on a besoin de rapetisser l'image pour que ça rentre tout dans le miroir, t'sais. Un miroir convexe, c'est quand tu lui dis genre, hey, t'es vraiment laid, ou tu sais. Il est comme full vexé. La vitre est courbée vers l'extérieur. Si le concave est vers l'intérieur, lui est vers l'extérieur. Puis les photons qui entrent en parallèle sont reflétées, mais vont diverger au lieu de conserver leur parallélisme ou encore même au lieu de converger. Fait qu'ils rentrent drette puis ils ressortent par les côtés. C'est pour ça qu'on peut voir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'affaires. Dans le cas des miroirs convexes, on n'a pas besoin d'être positionné à un endroit en particulier pour voir l'image reflétée. La preuve, quand vous êtes, disons, dans un supermarché, puis il y a des espèces de miroirs convexes au plafond, oui, là, pour empêcher les vols. Des autobus aussi, des fois. Aussi, des autobus. On peut être placé là, bien des places, puis on voit à peu près tout. Là. Sauf qu'on voit tout petit, puis on voit pas grande résolution. Ouais. Là, c'est tout petit. Tandis qu'un miroir concave, il faut se mettre à un endroit précis, mais on voit très, très, très, très bien le maudit point noir. Ouais. Les premiers miroirs retrouvés, parce que ça, c'est assez intéressant de savoir depuis quand ils datent, hein? Depuis quand qu'on peut se voir la face et se dire « Hey, Colin, que j'ai mal dormi! Ben... » Ils datent depuis 6000 ans avant Jésus-Christ, like I said. Les plus anciens ayant été découverts dans la région de la Turquie. C'était toutes des dindes. Ça, c'est ça. Ah oui, c'était à côté de la tuque. On n'avait pas dans les mêmes, okay. dans les mêmes secteurs. C'était toutes des dindes dans ça. Okay. Dans ce temps-là, ils étaient faits à partir d'obsidienne polie. Et non pas de, d'obsidienne impolie. On dirait un band, c'est mon band punk, c'est l'obsidienne poly. Obsidienne poly? L'obsidienne, c'est tout simplement des pierres volcaniques qu'on peut polir. Tu sais, les espèces de pierres noires là, qu'on retrouve un peu partout tout le temps. Là. Qu'on peut polir? Ah non, je sais plus lire. un peu plus tard... On utilisait du cuivre, de l'étain ou des alliages de métaux aussi polis. Il y a trop de jeux de mots dans ma tête. Non, c'est ça. C'est beaucoup plus tard au Liban, un siècle après Jesus Christ, qu'on retrouve l'évidence des premiers miroirs faits à partir d'un verre et d'une couche mince d'or. Ça coûtait cher. Mm-hmm. C'était cependant loin d'être parfait. Hein. On avait comme c'était tout raboteux. Il y avait rien de l'image était vraiment pas parfaite. Puis en plus on pouvait même pas se voir en dedans parce qu'il y avait pas assez de lumière. C'était pas idéal. Le Apple Mirror, c'est moi qui était plaqué là. Mais 20 000 piastres. The Apple Mirror. Apple Mirror. Je sais pas. Mais en tout cas, il y avait juste les riches qui pouvaient s'en procurer. Puis ils pouvaient pas se voir en dedans à la lumière de la chandelle. Il fallait qu'ils aient dehors à la lumière du jour pour vraiment pouvoir se voir dans ces miroirs là qui étaient loin d'être parfaits. Wow. Et ils se filmaient avec leur téléphone. Ouais, ben là, il me semble que c'est évident. Là. Ben oui. Plus tard, vers le 16e siècle, à Venise, on inventait un miroir qui enfin donnait une image quasi parfaite. Il était fait à partir d'une plaque de verre recouverte de mercure, donc une plaque de verre poly. Monique. Monique Mercure. Et tabarou, t'es rendu loin. Puis on mettait du mercure là-dessus. Ça, c'est l'affaire qui est dans votre thermomètre, là, qui est liquide puis qui est pas mal toxique. Genre, ben, ils mettaient ça dessus puis ils disaient, hey, je me vois. Mais au 17e. Je me voyais bien jusqu'à temps que je meurs. C'est ça. Eux autres, ils essayaient de garder. Ouais, pendant 100 ans, les Vénitiens gardèrent le secret de leur miroir. Hein? Mais au 17e siècle, l'espionnage industriel, je sais pas si on peut appeler ça industriel parce qu'ils en faisaient à peu près 3-4 par mois. Tu sais. En tout cas, ce secret-là, ça propagea jusqu'en France et en Angleterre. Puis là, tout le monde en avait un. En tout cas, tous ceux qui étaient riches puis qui voulaient mourir de toxicité due au mercure. Dans tous les cas, c'est la toxicité du mercure qui demeura un problème pendant longtemps. Et c'est pas avant 1835 que le miroir moderne tel qu'on le connaît fut inventé. C'est le chimiste allemand Justus von Liebig, l'ancêtre de Justin Bieber. C'est cool comme nom, Justice. Justus von Liebig, qui a eu l'idée d'utiliser le procédé de l'argenture pour faire un miroir sur fond de verre poli. Le procédé consiste à déposer une très mince couche d'argent métallique sur du verre poli par une réaction chimique de réduction du nitrate d'argent. Fait qu'on réduit du nitrate d'argent sur une plaque de verre, puis ça donnait un miroir tel qu'on les connaît à peu près aujourd'hui. Ce procédé a pu être adapté pour usinage en masse et a rendu les miroirs dès lors abordables parce qu'avant, c'était juste les riches qui pouvaient constater leur laideur. Aujourd'hui, on fait des miroirs avec à peu près n'importe quoi et pour n'importe quel usage. Vraiment, je pourrais vous en parler pendant longtemps, mais c'est un peu plate. Mais pour les miroirs de tous les jours, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a toujours deux composants. La couche qui reflète puis la couche substrat, comme on dit. C'est pour dire, dans le fond, le support qu'on offre à la couche mince réflective. Parce que la couche mince toute seule, là, l'affaire qui reflète, c'est rare qu'elle peut se tenir toute seule et c'est souvent trop molle. Ouais. Dans la vie de tous les jours, le substrat préféré est le verre, sauf chez les cuisinettes Fisher-Price avec une petite... un carton avec un bout d'aluminium poli. Là. Ça existe aussi comme miroir, là, mais en fait, préférablement, on va prendre du verre parce qu'il est facile à polir, il est rigide, il est résistant et il est transparent. Puis il n'est pas trop cher, puis c'est fait à partir de sable. Ouais. Sur le verre, on va y mettre de l'argent ou de l'aluminium, ça dépend. Mais pas seulement ça. On se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ce que Justus von Liebig a proposé. On a besoin de mettre toutes sortes d'autres produits chimiques pour obtenir un miroir qui va être résistant au vieillissement, parce que souvent, les miroirs, ils peuvent s'oxyder. Aussi résistant aux cassures, aux égratignures, etc., etc. Mais la première étape, c'est qu'il faut traiter le verre avec du chlorure d'étain 2. Hein? Pourquoi le 2? Parce que c'est le 2. Je pourrais vous parler de la chimie suite. De la chose, mais c'est la suite. Hein? J'ai pas envie de parler de chimie, mais chlorure d'étain 2, c'est juste c'est le dépendamment du nombre d'électrons de valence, blablabla, qu'on va... Tu parles déjà avec ça. On vous a perdu. C'est un sel d'étain. Puisque l'argent... Pourquoi qu'on fait ça? C'est parce que l'argent ne se lie pas bien au verre. il veut pas se coller au vert. Fait que Justice Von Lieberg, je sais pas comment il a réussi à faire son coup, mais nous autres, on est plus capable de le faire coller, il coopère plus. Il a peut-être changé, je le reconnais plus. Il est capable de se coller, ouais. Le couple est fini. Mm. Ouais. Ensuite, on va appliquer l'argent, hein, après avoir mis le sel de teint, suivi d'un activateur chimique qui nous refuse de dire c'est quoi son nom. C'est ça, son nom, c'est activateur chimique. Est-ce que c'est parce que pour des raisons de droit? Non, je pense pas que c'est une raison de droit. Je pense juste que c'est à cause qu'il y en a vraiment plusieurs sortes qui peuvent exister. Okay. Hein? Cet activateur chimique-là va permettre au duo éteint-argent de se solidifier parce qu'avant ça, il était sous forme liquide. Et par la suite, les miroirs sont souvent traités avec du cuivre pour assurer leur durabilité. Finalement, on va recouvrir la couche réflectrice avec de la peinture. Souvent, on va voir la peinture en arrière des miroirs et c'est pour le protéger contre les égratignures et les dommages accidentels. La couche qui va refléter avec la peinture, là, ça se situe en fait en arrière du miroir. Ce qu'on voit en avant du miroir, c'est vraiment la vitre, là. C'est le verre, c'est le verre. Puis en arrière, c'est la chose qui reflète. Et ben, c'est comme ça que sont fabriqués les miroirs. Wow! c'est plus complexe que ça en a l'air. Un peu, mais c'est quand même relativement simple à comparer à bien des choses que je vous ai expliquées. Ça explique le coût des miroirs. C'est pas quelque chose que t'achètes genre vraiment pas cher partout. Non, ça coûte quand même... Des fois, ben, tu sais, il y en a qui sont en plastique, pour vrai. Il y en a qui sont en plastique, ça, c'est moins cher. Mais on voit aussi que la qualité de la réflexion est moins bonne parce qu'un plastique, c'est plus difficile à polir. Mm-hmm. Parce que plus c'est lisse, moins il va y avoir, comme, dans le fond, des petites bosses au niveau moléculaire qui vont faire en sorte que les photons, à place d'être reflétés vraiment parallèlement, là, vraiment droite, ils vont être reflétés tout croche. Mm-hmm. Donc, on veut que ça soit reflété bien comme du monde. Ouais. Mais quand même, un miroir en vitre, là, c'est 90 à 95 à peu près de réflexion. Il y a d'autres miroirs qui sont beaucoup plus dispendieux pour des usages en physique, admettons, là, qu'eux autres, ils reflètent jusqu'à 99,99% des photons. De réalité, dans le fond, c'est ça? Oui, c'est vrai, c'est quand même ça, ça reflète 99,99% de réalité. C'est comme un savon qui élimine 99% des germes, il en reste quand même un peu. 99 vergetures. C'est beaucoup. Donc, on a de la musique pour accompagner ton miroir. Ouais. La première s'intitule Mirror Mirror. Oh. D'un groupe que t'aimes, je suis pas mal sûr, Suns. Oui, c'est bon. Suns, c'est très bon, c'est québécois. C'est ça, c'est québécois? Il me semble bien, oui. Ouais, je sais juste pas de où au Québec ils viennent, mais je vais vous chercher ça pendant qu'on écoute Mirror Mirror. Excellente chanson. Le deuxième groupe qu'on va entendre aussi va être québécois. Ah oui, il s'appelle pas Mirror Mirror, il s'appelle Peter Peter. C'est un francophone. Ah! Peter Peter. Puis le troisième aussi est québécois. Arcade Fire. Oui, j'essaie de faire de la musique québécoise. C'est quelque chose. On commence avec Suns, Mirror Mirror, dans Justine Pertine. Toujours aussi pertinente. Tellement. C'est fou. Don't know. reçois du topic. Tout prend son sens dans le miroir. C'est à l'envers que je me vois. Ce jumeau ivre est mon reflet. Il me révèle tous mes secrets. Tout prend son sens dans le miroir. C'est à l'envers que je me vois. Ce jumeau ivre est mon reflet. c'était Black Mirror. Quelle bonne chanson de Arcade Fire. Avant ça, on a entendu Tout prend son sens dans le miroir de Peter Peter. Et la première chanson qu'on a entendue, Mirror Mirror de Suns, un trio québécois. Suns, je vous le confirme, qui est un band dans le fond de Montréal. Et vous pouvez maintenant deviner le thème de ma chronique Justine Personne. Aujourd'hui, on parlait bien de miroir. C'est un peu évident. Ouais. Je pourrais jamais faire de quiz de « Devinez c'est quoi mon thème? » C'est tout le temps assez évident. Je lisais pendant la pause au sujet de trucs intéressants au sujet du miroir, parce qu'on s'entend que miroir, c'est pas la chose la plus intéressante au monde. On peut même penser que c'est banal, mais c'est pas banal. Si vous j'ai avez... pas trouvé ça banal du tout, si... moi. Non, mais écoutez ça. Tu te sous-estimes. Non, c'est pas moi qui sous-estime, c'est les miroirs, je trouve ça plat. Mais si on a deux miroirs à la maison, puis on est capable de mesurer quelques micromètres, ça c'est mille fois plus petit que millimètre, si on est capable de dépasser face à face à quelques micromètres de distance, on serait techniquement capable de faire un, ce qu'on appelle en anglais un wormhole pour faire un voyage dans le temps, mais seulement dans le passé. Mais c'est ça. Ça, c'est dû à l'effet Casimir, que je peux pas vous dire exactement en quoi cet effet consiste, parce que franchement, j'ai lu et j'ai rien compris. Mais essentiellement, c'est que les wormholes, c'est-à-dire les espèces de puits spatio-temporels dans lesquels on pourrait théoriquement voyager là, pour aller ailleurs dans le temps. En fait, ils ont la propriété souvent de s'effondrer sur eux-mêmes. Fait que des wormholes sont pas suffisamment stables pour durer suffisamment longtemps pour nous permettre de faire ces voyages dans le temps. Et donc, avec deux miroirs face à face à quelques micromètres de distance, on pourrait trouver une manière de stabiliser les wormholes et de permettre des voyages dans le temps dans le passé. Franchement, je comprends. Ah, rien. Faudrait demander à Morgan Freeman qui anime Through the Wormhole, l'émission. Wormhole. Qui en français s'appelle Voyage dans l'espace-temps, parce qu'il n'y a pas de mot en français pour wormhole, apparemment. Hein? Non, mais il y en a un trop probablement. Mais tiède. Ouais, non, c'est worm dans le sens de verre, un trou de verre. Non, c'est un trou de verre. Le vrai terme en français, c'est vraiment un trou vraiment de verre. Vrai. C'est juste que le terme m'échappait, puis j'ai lu l'article en anglais. Fait que j'étais que, comme, voyons, c'est quoi, à travers le trou de verre avec Morgan Freeman, ça a l'air bizarre. À travers le trou de verre. À travers le trou de verre. Ouais, c'est bon. Une au travers le trou de verre de Morgan Freeman. Ah, ça serait bon. Ah, le trou de verre de Morgan Freeman. Une autre affaire vraiment intéressante au sujet, dans le fond, des réflexions et des miroirs qu'on a découvert, c'est la psychologie. On a découvert. Trou de verre. On a compris un peu comment ça fonctionne, ce sens d'identité, dans le fond, psychologiquement parlant. On a découvert que si on met quelqu'un, n'importe qui, pas mal dans le dans un état dans le noir, mais encore avec assez de lumière pour qu'on puisse se voir. Je sais pas si c'est clair. Bref, il fait sombre, mais on se voit pareil. Si on se met en avant le miroir puis on reste là pendant suffisamment de temps, une bonne dizaine de minutes, on peut commencer à... Il faut rester immobile. Hein? On peut commencer à avoir des hallucinations comme si notre visage n'était pas à nous puis qu'il était fait plutôt de cire. C'est vraiment weird. Puis il y a des gens qui font vraiment des psychoses là-dessus. Puis il faut faire bien attention parce que on devient... Notre cerveau, il commence à se dissocier, l'image que nous a reflété le miroir comme si c'était pas nous. Et on commence à halluciner. Puis il y a des gens... dans certaines conditions psychotiques ou sous certains effets de certaines drogues vont percevoir ces hallucinations-là beaucoup plus facilement. Wow. Puis, tu sais, là, dans les films de peur, il y a tout le temps des miroirs et des réflexions. Puis moi, ça me fait peur! Fait que c'est ça. Fait que c'est une partie de la psychologie humaine qu'on n'a pas pu découvrir avant qu'il y ait des miroirs là, suffisamment performants pour refléter de la lumière quand il fait assez sombre. Là. Fait que dans les dernières centaines d'années, là, on a pu étudier cet effet de dissociation identitaire-là. C'est un peu bizarre. Mais moi, je trouve ça fascinant, quand même. Mmh. À combien de mois vous pensez qu'un bébé est capable de reconnaître sa réflexion comme étant lui-même? Comme étant lui-même? Ouais, comme étant lui-même. À combien de mois? Donc, c'est moins d'un an. Je sais pas, à 6 mois. Étonnamment, c'est 24 mois. Ah, ça OK, c'est vrai, on compte ça en mois. Ouais. Tu sais, tu peux comprendre qu'il se passe quelque chose devant toi. Mais tu ne caches pas que c'est toi. C'est ça. Mmh. Comme ça, ça veut dire que ouais, mon chat a un quotient intellectuel de moins de 24 mois. On s'y attendait. Ben moi, mon chat, je sais pas, je pense qu'il s'en fout un peu. Who cares? Mais il y a des chats, tu sais, qui vont être agressifs envers leur reflet. Oui. Fait que déjà, eux autres, ils ont conscience qu'il y a un reflet. Mon chat fait juste... Je me demande lequel est le plus intelligent. Est-ce que c'est celui qui s'en fout parce qu'il se rend compte que c'est pas un vrai animal, étant donné qu'il n'y a pas d'odeur, qu'il n'y a pas rien? puis que l'autre, il panique parce qu'il y a un autre chat. Je me demande lequel. Mais ça dépend. Est-ce que ton chat, quand tu le mets en contact avec d'autres chats, il a la même réaction? Non, ben non. Tu veux dire face au miroir? Non, face à un autre chat, ce qui est la même réaction, parce qu'en fait, ça découle beaucoup plus de l'interaction sociale entre... Tu sais, comme, admettons, moi, mon chat, quand il est en contact avec d'autres chats, il fait rien. Quand il est en contact avec un miroir qui reflète sa face, il fait rien. Tandis qu'un chat... moi, devant un miroir, elle fait absolument rien. Devant un autre chat, elle est super agressive. Ah, OK. Fait qu'elle, elle catch. Les autres elle, chats. Elle comprend. Ouais. Elle comprend en tout cas que c'est pas un autre chat, mm-hmm. mais elle, je sais pas si elle comprend que c'est, elle comprend pas que c'est elle. Est-ce qu'elle comprend qu'il y a quelque chose qui se passe? Je sais pas non plus. C'est juste une image, c'est comme n'importe quoi, c'est comme un meuble, c'est un miroir. Qui bouge. Ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Mais c'est ça. Mais admettons comme on met un gorille en avant d'un miroir, le gorille, une des actions les plus disons, les plus dangereuses à faire avec un gorille, c'est de le regarder droit dans les yeux, hein? On le sait. On le sait ou on le sait pas. Mais enfin, moi, je le sais, je viens de le lire, là. Il est là, là. Si vous savez pas, ben on vous l'apprend. Listverse.com. Je me cite. Le gorille, lorsqu'il va comme faire du contact visuel avec ses propres yeux, ouais. Il va comme commencer un petit peu à capoter, mais tu sais, c'est écrit comme quoi il est capable de reconnaître que c'est lui-même, mais il se sent pas bien, il va comme partir de la chambre, puis il va aller comme décanter un peu. J'ai comme pas compris, est-ce qu'il se reconnaît ou il se reconnaît pas? Finalement, apparemment que les éléphants se reconnaissent eux autres dans les flaques d'eau quand ils boivent. Okay. Il y a une couple d'animaux comme ça qui sont capables de se reconnaître, des bonobos, des chimpanzés, des orang-outans, des dauphins, certaines baleines. Eh ben. Puis des oiseaux, une couple d'oiseaux. Mais il y en a vraiment pas gros. Ben, c'est, en anglais, c'est des magpies. C'est quoi un magpie en... Translate. Magpie. Un peu. Qui va l'avoir en premier? Et... Une pie! Ouais, j'ai eu! C'est une tarte! C'est une pie! C'est une tarte! 3.14 se reconnaît dans le miroir. Alors, c'est ça. Mais c'est quand même intéressant, les miroirs. Je trouve que la psychologie du miroir est bien plus intéressante que sa physique. Sa physique est assez plate. Arrête donc, fatigant. La prochaine fois, je vais parler y a-tu quoi? C'est quoi? Y a-tu une association des gens qui trouvent les miroirs le fun puis qui vont m'appeler et me dire ah, c'est pas vrai, les miroirs, mais c'est vrai fun. Que la psychologie des miroirs, cet c'est aspect-là, c'est très intéressant. Ouais, mais tu sais, ouais, c'est ça. Un moment donné, elle va-tu finir ma chronique? Ben, elle finit quand tu le veux, donc maintenant, je le veux. Merci. Je le veux. Justine Renaud. Ah, ça m'a fait plaisir. À un certain jeudi, parce que là, on se surprend. La semaine prochaine, je suis pas là. OK, c'est ça. Je suis en surveillance d'examen, donc je vais être là la semaine d'après. Si vous le voulez. Oui. Je sais pas. C'est dit, c'est oui. L'autre semaine après, pas la semaine prochaine. Parfait. Pas la semaine prochaine. Dans deux semaines. Merci, oui. Justine Renaud. Plaisir. Bonne journée. Bonne journée à vous. On prend la pause et au retour, ça va être le poste d'écoute avec Stéphanie Paradis. Ben voilà. À son lingerie. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis en ce jeudi matin 19 mars, c'est Stéphanie Paradis. Oui, c'est Mathieu Blanc. Oui, il ne reste pas assez de temps pour parler plus longtemps que ça, donc voici le poste d'écoute d'Assemblage requis. Le poste d'écoute! Mais ça! C'est quoi ça? Ça, c'est moi, avec une lampe de poche frontale, fait que c'est une lampe de front. Je vais dans les nouveaux arrivages, je suis fou! Parce qu'une lampe de poche, on le sait, c'est porté autour de la poche, hein, c'est ça? Ben, c'est clair, c'est pour ça que je peux pas en avoir. Ok, parfait. Donc, je vous sors le meilleur et aujourd'hui. Tu vous sors ton meilleur? Ok, ça a plus vraiment rapport, ouais. Donc, je vous présente le troisième album de Shred Kelly, Sing to the Night. Donc, pour vous décrire leur genre musical, c'est simple. Si vous aimez Mumford & Sons, vous allez adorer Shred Kelly. C'est du banjo frénétique. Ah! Shred Kelly et leur groupe hommage Shrek Deli. Ça, c'est de la viande de Shrek. Donc, ouais. Shred, tu vas-tu me mêler? Shrek Deli est composé de Tim Newton à la voix, au banjo, au ukulélé et à la guitare. Ensuite, oh mon Dieu, Sage McBride à la voix et au clavier. Jordan Vlasra à la basse. C'est super utile comme bout, ça. C'est vraiment très utile. Vlasra? Vlasra. Vous le googlerez. Ouais, donc, fait que Jordan à la basse, Ty West à la guitare et Ian Page Shiner à la batterie. La formation est originaire de Fernie, en Colombie-Britannique. Donc, pour vous donner une idée, c'est une petite ville d'environ 4200 habitants située dans les montagnes du sud-est de la Colombie-Britannique, entourée par les Rocheuses canadiennes. Donc, allez voir des photos, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Donc, ça te tente d'aller écouter un petit peu de Shred Kelly? Faudrait bien, oui. Donc, on s'en va entendre une première pièce de maintenant avec Sing to the Night. Donc, la pièce qui a donné son titre à l'album. Shred Kelly, Shrek Dilly. Ah. Assemblage Shred Kelly. I'm getting down, not in a good way. If I can make it, then here I'll stay. Ashes and bottle caps, string and timber resting on my lap. Coffee stains in an old book, these pages, I'll take a look. Spent time in my old town, eager men fighting for the crown. Set fighting in a barren land, lost faith in the will of man. Found yourself in the northern lights, I found you in the words you type. Sing, I played it again until my ears ring. I sing to the walls, I sing to the night. I squint my eyes in the morning can wait and we can see if we can start a life. Save up for the things we need and build a house among the trees and start it right. Oh, I say to you, what are we waiting for? Oh, I say to you, what are we waiting for? With jagged you then. C'était Stuck Between de Shred Kelly. Dans le milieu du bloc, c'était Family Oh Family. Et on a débuté ce bloc avec Sing to the Night. Tout ça, c'était de Shred Kelly, tiré de leur dernier album, Sing to the Night. Et on est dans le poste d'écoute, pour ceux qui s'en souviendraient pas. Ah, c'est vrai, moi j'ai préféré la deuxième qu'on a écoutée, celle du Family milieu. Oh Family. Vraiment. Oui, moi aussi, la je pense. La voix de la fille est cool. Oui, moi aussi, j'ai bien apprécié ça. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment, Sing to the Night est le troisième album de Shred Kelly. Il a été précédé en 2012 par In the Hills et en 2010 par Goodbye July. Donc, Shred Kelly a commencé comme étant un petit band de jam, ou comme dirait Google Translate, un petit band de confiture au populaire, donc à Fernie du moins, Brick House Bar and Grill en 2009. Ils ont joué leur premier concert payé au sommet du Fernie Alpine Resort. Donc, ils ont fait ça pour des sandwichs et de la bière. Et 3 ans plus tard, quand même, leur réalisation les a amenés à jouer aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. Wow. Donc, quand même, une petite coche au-dessus. Ils ont aussi joué lors de plusieurs festivals de musique tels que Wapiti, ça fait très canadien, ouais. Starbelly Jam, Salt Country Fair, Beaumont Blues Fest et Kispiak's Valley Music Festival. Ben wow. Voilà. Plein de places. Mm-hmm. Génial. Donc, ben c'était bon ça. J'ai bien aimé Shred Kelly. L'album Sing to the Night dans le poste d'écoute. Merci Stéphanie Paradis. Ça fait plaisir. Ah. Et nous, ça va être la fin d'Assemblage Rocky pour aujourd'hui. Ah oui, je sais. On se retrouve lundi entre 6h30 et 9h30. Mm-hmm. Soyez au Dôme, c'est fou ce soir. Un spectacle de Millimétrique et Qualité Motel à partir de 21h. Les billets sur lepointdevente.com. Les informations sur la page Facebook, c'est fou, 89.1 FM. Plus tard aujourd'hui, à 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, Créateur de son, 16h, Palmarès du monde, 17h, le Mathieu Plante Show. Et 21h, Radio Sonic. Dans quelques instants, ce sera Génie en liberté avec Samuel et Stéphanie. Donc, restez à l'écoute. On se quitte avec une autre pièce du poste d'écoute de Shred Kelly. C'est l'extrait Stéréo. Avec lequel on se quitte. Et puis à lundi, 6h30. Bye! Bye! There must be more than this outside these walls. 'Cause it wasn't what you thought. You got given what you got, and it's all that you know. And they can't make up their minds.